Side up this way? You very well know, my friend. Who's talking? Don't you remember? I am the voice inside your brain. Leave me alone, I can't stand it anymore. Well, I'm afraid this is impossible. I am you and you are me. We're just like twins. Evil twins. Let me guide you out of here. We'll be right back. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Roquefort Show, tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Oui, oui, oui, monsieur, madame, c'est bien bonsoir. Là qu'il faut être. Bonsoir, Tom of Rock. Salut, Phil. Tom of Roquefort Show. Ça va bien? Ouais, là, c'est bien. Ouais, t'as vu, je fais des jeux de mots et tout. Il fait froid. Ah, il fait froid. Mais on a mangé une bonne soupe. Non, il fait pas si froid que ça. Bah si, c'est un temps pour manger de la soupe quand même. Ah oui, bon. On a mangé une bonne soupe. Pour ceux qui ne sont pas là, on mange de la soupe. Voilà. Voilà. Donc Jen, elle est pas là ce soir, Jen. Et on voulait lui faire un truc un peu vegan. Et ben voilà, on a mangé sa soupe et elle était très bonne. Et on n'a pas fini de manger vegan encore. Non, on n'a pas fini. Ça, on commence seulement le repas. Alors on a commencé cette émission, la 73e émission depuis que nous sommes sur Air Radio et Radio Biz. RadioBiz.com, non, RadioQuébec.biz. Voilà, RadioQuébec.biz. Et j'ai cru entendre qu'il va y avoir d'autres radios qui vont arriver sur RadioQuébec.biz. C'est vrai. Super. Et ça va être beau, ça va être sympa. Bah, on salue l'ami Eric. Eric, si tu nous entends, fais comme Michel la semaine dernière, on va nous ton numéro de téléphone, on t'appelle, tiens, ça peut être cool. Non, peut-être pas, ça fait un peu loin quand même. Hein. Ça risque de nous coûter un peu cher cette affaire. Non, même pas, ce serait gratuit. Ah bon, par Skype? Non, même pas par notre opérateur téléphonique. Ah, on peut appeler le Canada. Certains pays. Donc, et voilà. Le Canada en fait partie. Et puis, on est riche. T'es très riche, toi. C'est ça. Je suis riche d'amis, je suis riche de plaisir, je suis riche de souvenirs, mais je ne suis plus riche du tout de côté financier. De toute façon, est-ce que j'ai déjà été riche financièrement parlant? Je ne pense pas. Ça dépend à partir de quand dit-on qu'on est riche. Je sais pas, à partir du moment où on peut déjà manger tous les jours, c'est déjà pas mal. Nous allons faire une émission 100% Zik nouveauté. Et nous avons commencé avec Anthrax. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté puisque l'album est sorti déjà. Mais cet album ressort. L'album s'appelle For All Kings. Le morceau que je vous ai passé, c'était Suzerain. Suzerain. Et c'est issu du dernier clip que le groupe vient de mettre en ligne pour annoncer sa prochaine tournée. Voilà, et la tournée passera par Paris. Paris-France, bien évidemment, le 16 mars. Et ce sera donc à l'Élysée Montmartre. L'album ressort donc avec des bonus. C'est une édition tour. Une tour édition limitée, bien évidemment, qui sortira le 17 février chez Nuclear Blast. Tour Montparnasse, monsieur. Ce qui sortira. Ah putain. On est mal barré là. Eiffel. On est mal barré, c'est Tom qui est à la technique ce soir. J'espère que t'as pas mis tes moufles. Ah si, il fait froid, toujours. Toujours. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Bon, voilà, donc pour Anthrax tiré de cet album, et ils viennent nous rendre visite en Europe, et c'est super. Allez, les Éricains. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Factorate, et eux aussi seront en concert, mon cher. Ouais, et il y a un problème, mais on va le résoudre rapidement. Ouais. Ils sont en concert la semaine prochaine. Ouais. Et c'est un jeudi. Voilà. Des fumiers. Voilà. Des fumiers. Et c'est en concert le 26 janvier au Dr Feelgood. Ouais, mais Châtel et Al. C'est toujours le jeudi en plus les concerts, c'est un peu chiant quoi. On va pas enregistrer l'émission pour la semaine prochaine pour aller voir Dr Feelgood. Si ? Je crois que on va être obligé. Je crois. Bon. Je crois. Alors on va faire ça alors. Hein. C'est bien parce que c'est Factorate, hein. Faut pas déconner. Voilà. Ouais, Titi, tu me prépares une bouteille de champagne, du coup. Ah oui, oui, du coup, si on va les voir, faut qu'on aille le champagne, hein, faut pas déconner. Et Silver aussi, hein, parce que vous êtes tous les deux. Donc, Factorate, voilà. Le 26, au Dr. Phil. Ils sont 4, donc 4 bouteilles de champagne, ça va. De chacun, pas, hein, t'es c'est pas bon. Gourmand. T'es pas gourmand. Hein, donc, ne les ratez pas. C'est 34 ou 37 rue Quincampoix. Ouais, c'est ça, rue Quincampoix. Ouais, c'est rue Quincampoix. À côté du grand bâtiment, Georges Pompidou, pas très loin. Voilà. Nous avons appris une mauvaise nouvelle en ce début d'émission, il en faut toujours une. Rappelez-vous, le Conquérant Metal Fest où ADX avait joué avec Killers, avec tout un tas de groupes, avec Frantic Machine, avec Load Blast qui devait jouer et qui n'a pas joué. Et qui avait été remplacé du coup par Frantic Machine. Par Frantic Machine, oui, le premier soir, parce que Frantic Machine oui. Était quand même prévu, mais le deuxième soir. Il y avait aussi Dagobah, il y avait, si mes souvenirs sont bons, il devait y avoir Head Charger et pas mal d'autres groupes. Voilà. Sachez que le petit Valentin est décédé des suites de sa maladie orpheline et donc nous nous associons à la famille, dans la peine de la famille, et nous leur souhaitons, enfin je sais pas si on peut souhaiter, mais on leur convie nos sincères condoléances. On se joint à eux. On se joint à eux, tout à fait. Et on va leur dédier cette émission entière. Voilà, avec peine, bien évidemment, puisque nous avions œuvré pour justement venir en aide au petit Valentin. Voilà, on va continuer avec des choses un peu plus gaies. Et on va continuer avec une chanteuse qui chante dans un groupe qui s'appelle Bébé. Pas Brigitte Bardot, non. Battle Beast. C'est moche. Ouais, c'est moche. Battle Beast, tiré de leur album Bringer of Pain. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Familia Hell. Ça sort chonk chez Nuclear Blast le 17. Chonk. Quoi? Ça sort chonk. Chez Nuclear Blast le 17 février 2017. Je crois que le groupe est allemand, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est très bon, c'est du heavy speed, mélodique, voilà, c'est excellent. On enchaînera ensuite avec Eclipse, vous vous rappelez? Eclipse de lune. Eclipse de lune, de soleil, de ce que tu veux. Ah, je préfère la lune quand même. Ça m'étonne pas de toi, ça. Donc Eclipse qui nous sort enfin son nouvel album, bien que le dernier était excellentissime, qui s'appelait Armageddon Eyes, si mes souvenirs sont bons, et qui avait fait l'objet d'une ressortie, tellement il était bon, avec tout un titre, enfin tout un CD live enregistré au Wacken Open Air. Donc là c'est le titre, on a juste un single pour l'instant, le single s'appelle Vertigo et ça fera partie de l'album Monumentum, sorti chez Frontiers, et ça sortira seulement le 24 mars 2017. Donc on est quand même pas mal en avance. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe canadien, Tabernacle, qui s'appelle Trigon, avec tiré de l'album Fed Up, et là aussi ça sortira courant 2017, on ne sait pas quand. Mais ah, j'aime bien. Là, j'aime bien. Ah bah oui, mais si tu papotes, t'es loin, des fois t'es dedans. Non. Là, j'aime bien quand tu mets du son dans mon micro. Oui, bah, c'est vrai que je mettais. Juste poussé un tout petit chouïa. Ouais, bon. Bah, donc, ce qui fait que tout ce que j'ai dit avant, les gens ont. Si, ils entendent très bien. Ils entendent très bien, mais là, ils vont entendre encore mieux. Espèce de fumier. Mais le truc, c'est que. Je parle toujours de la même façon. Non, mais toujours de la même façon. Ouais, mais le micro, il est plus près ou plus loin. Toujours de la même façon. Sinon, le problème est qu'on a un budget très restreint. Autant dire. Et que Tom met tout dans la bouffe et rien dans la technique. Alors bon, il peut pas tout faire. Alors des fois, il a les mains grasses et hop, ça glisse. Hein ? Le problème, c'est que la bouffe, ça coûte un petit peu moins cher que la technique. Ah, c'est ça. Allez, donc Trigon, tiré de l'album Fed Up, puisque vous avez pas dû m'entendre juste avant. C'est une autoproduction, ça sortira courant 2017. Ils nous viennent de Ottawa, au Canada. Le titre que je vous propose de découvrir s'appelle The Night Is Young, ça c'est vrai. Et ils sont très inspirés par des groupes comme Volbeat, ou Dawn, System of a Down, Wilcox, Nirvana, Megadeth, Black Sabbath et ou Slayer. Moi j'ai adoré. Alors on se rapproche quand même beaucoup de Volbeat, beaucoup, avec quelque chose d'un petit peu plus punk peut-être, hein, pour l'histoire. Mais en tout cas j'ai adoré et j'ai reçu ça hier et j'ai dit « Ah !» Ben ça fera l'objet de la première plage musicale du Rock for Show demain soir. Comme quoi, il y a des groupes aussi qui arrivent à brûle pour point, comme dirait l'autre. Oui, mon ami. Nous vous avions parlé d'un groupe la semaine dernière ou les semaines d'avant, qui s'appelait Xandria. Et puis on vous avait dit, c'est marrant, on n'entend plus la chanteuse dans Xandria. On s'est dit, peut-être qu'elle a disparu. C'était la semaine dernière. Donc on s'est dit, peut-être qu'elle a disparu, la chanteuse. Eh ben non. C'est juste que ça doit être un concept album et qu'il n'y a pas la chanteuse sur tous les morceaux. Et là, on vous a trouvé un morceau donc, qui s'appelle Call of Destiny, tiré de l'album Theater of Dimensions, sorti chez Napalm Records le 27 janvier. Et là, vous aurez la chanteuse. Ça ressemble beaucoup à Nightwish, hein, d'ailleurs, dans vocalement parlant. Voilà, donc on vous propose ceci pour ouvrir cette émission 100% Zik nouveauté. Jen n'est pas là, on lui fait un petit coucou quand même. Oui, coucou. Parce qu'on va manger sa part, donc ça c'est bien, c'est quand même pas mal ça. Merci Jen, j'aime bien aussi quand t'es pas là. Quand il y a de la bouffe, j'aime bien. Allez, 06 80 01 28 34. Ouais, t'as pas pris ton crayon ou t'as pas pris ton téléphone? Alors, déverrouille, ça y est. 06 81 01 28 34. Voilà, pour nous appeler, nous faire un petit coucou. Vous pouvez même passer à l'antenne maintenant. On a décidé ça comme ça. Si vous voulez nous dire un petit mot en direct à l'antenne, vous pouvez. Chris, non, ce n'est pas pour toi. Parce que à chaque fois, tu vas nous appeler toutes les semaines. Alors, Chris, non. Non, toi tu te reposes. Et tu reposes ta voix. Mickaël, t'en es où niveau concert? Ah ouais, Mickaël, ouais, faudrait que Mickaël il nous dise, hein, parce qu'il a fait le PMFF et tout. Donc maintenant, on aimerait bien avoir Mickaël sur d'autres concerts. Ce serait bien. Ah ouais, ce serait notre live reporter. Ouais, moi je vous parlerai du concert que j'ai été voir avec toute la bande. C'était quand? C'était lundi soir. Lundi soir. Hein, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais ça bastonnait pas trop apparemment. Ouais. On vous en parle. Pour l'instant, on commence donc avec Battle Beast. On continue avec Eclipse. On poursuit avec Trigon et on termine avec Xandria. C'est parti, mon kiki, ça reviendra mon canard. should it be? Bonne nuit les petits. Et oui, on a envie de vous passer du Dépêche Mode, et alors, pauvres Québécois qui sont à 14h de l'après-midi à peu près là. Et on leur passe ça. Ouais, et bah ils doivent s'endormir, c'est l'heure de la sieste. Hein. Bon, attention, hein, c'est un groupe de métal hein, quand même qui joue ça. Hein. C'est Clone, le nouvel album de Clone qui est entièrement acoustique, c'est marqué dessus. Ça sort chez Vericord au mois de mars, tu dois avoir l'album à côté de toi mon cher Tom. Dans le tas qui va être publié sur Facebook bientôt. Voilà, donc tu dois avoir, c'est un album qui est tout blanc avec une pochette, tu sais, c'est écrit dessus, machin, ça. Normalement il doit y avoir une date. Le 17 février. 17 février ça sort, voilà. Après pour la Saint-Valentin ça tombe bien. Ça fait un beau cadeau d'avance. Ouais. Hein. Ah, bah, voilà. Bon faut le trouver hein, parce que je sais pas s'il sera disponible apparemment. Nous on l'a, on a la chance. Si vous voulez on vous l'enverra, on vous en passera plusieurs, vous les enregistrez comme ça le jour de la Saint-Valentin, vous emballez Bobonne avec People Art People So quoi, je veux dire, non hein. C'est pas faux. Bon en tout cas il y a pas mal de titres tout en acoustique, c'est assez sympa. C'est bon. C'est un peu surprenant quand même pour un groupe de métal d'avoir fait ce choix, mais bon, voilà. Alors nous avons écouté, juste avant de reprendre la parole sur, comment ça s'appelle, sur le Rock for Show, bien évidemment, sur Radio Bibis et Air Radio. Est-ce qu'il en reste ? Ou ce qu'il en reste ? Nous avons donc écouté Battle Beast, suivi de Eclipse, suivi de Trigon, et on a terminé avec Xandria. Yeah, c'est super. Et donc nous allons continuer avec un truc super aussi, puisque ce seront nos invités normalement de la semaine prochaine. Et je sais pas si toute la division sera là, mais en tout cas, Cosdal Division. En tout cas, il devrait y avoir une partie de la division de l'année. une partie. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, causons-en. Hein ? De quoi ? De ce groupe qui commence par un A avec un X à la fin et un D au milieu ? Ouais, puisque ils ont participé au projet de Cosdal Division. On les retrouve sur le quatrième titre de cet album, qui est un espèce de concept album. Enfin, on va pas tout vous dévoiler sur Cosdal Division, parce que comme on les reçoit la semaine prochaine, c'est eux qui vous expliqueront tout ça. Et l'album sortira le 3 février avec une superbe release party au Dr. Feelgood, un lieu mythique sur Paris maintenant pour se retrouver entre amis. C'est limite le QG du Rock for Show quoi. Non. Après ici. Non. C'est là-bas où on se retrouve régulièrement. C'est là-bas où on va se retrouver régulièrement, ouais, tout à fait. Mais bon, pour l'instant, voilà. Le titre du morceau tiré de KDD, de Cosdal Division. D'ailleurs, regarde comme les choses sont bien faites. Tu as le t-shirt ? Regarde comme les choses sont bien faites. Tu vois, c'est très radiophonique. Hein. Tel Superman, je te montre mon beau t-shirt. Hein. Et Cosdal Division. Hein, l'album il est pas encore sorti, on l'a. Non. Le t-shirt il est sorti, vous pouvez l'acheter, ça, y a pas de soucis. Le titre donc de ADX, parce que c'est carrément le groupe en entier qui joue sur un titre de Cosdal, s'appelle 13-11-2015. Je pense que c'est une date qui va vous rappeler à tous quelque chose de pas spécialement joyeux. À moi en tout cas, ça m'a pas fait très plaisir. Mais ça raconte un petit peu ce qui s'est passé le 13-11-2015, voilà, et c'est un titre joué entièrement par ADX. L'album est une autoproduction. Excuse-moi, oui. ce titre, enfin même tous les titres qu'on a sur cet album, oui. C'est des titres qui resteront que sur cet album ou qui paraîtront ailleurs? Par exemple, le 13-11-2015, c'était mieux cité que moi pour le savoir par rapport le titre d'ADX. Ah, est-ce que ça va être joué, tu veux dire, en live? Est-ce que ça pourra être joué en live? Est-ce qu'ils vont mettre sur un autre album? Ou ça va être. Ou ils répondront eux-mêmes la semaine prochaine à la question? Oui, voilà, on leur posera tout ça. D'accord. Hein, parce qu'on va pas te répondre non plus à leur place. Hein. Donc on les a la semaine prochaine en direct à la radio. Et ils vous feront gagner, bien évidemment, 3 albums de Cosdal Division. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Eh bien, ils nous viennent de Paris, bien évidemment. Et la release party, je vous l'ai dit, au Dr. Feelgood le 3 février. Et on devrait y être. Hein, on va tout faire pour, en tout cas. Et l'album sortira effectivement le 3 février également. Nous allons changer de style après Cosdal Division, mais on va rester, c'est quand même lié, hein, puisque nous allons vous passer Ultra Volta. Jusqu'à présent, on n'avait pas le EP 4 titres, on l'a eu au Paris Metal France Festival, donc maintenant on va pouvoir vous le passer. Si tu peux me baisser un tout petit peu le fond sonore, parce que j'aime bien... Voilà, merci. Tiré de leur EP 4 titre, Devastated est le titre que l'on vous propose ce soir. Le groupe de Dush, Dutch, l'ex-bassiste, le tout premier bassiste de ADX dans la qui version, était sur scène la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant. Il y a 10 jours maintenant, oui, qui était sur scène avec ADX et qui était aussi sur scène avec Ultra Volta, le groupe que je vais vous passer. C'est une autoproduction, ça a dû sortir en 2016, je crois. Voilà, et c'est du punk rock, mais de très belle facture. Comme tous ceux qui étaient au Paris Metal France Festival et qui ont vu Ultra Volta ont pu s'en rendre compte. Nous continuerons avec quelque chose qui, ma foi, pourrait très bien être dans un futur Ultime Fest ou PMFF, si jamais il y a un nouveau PMFF. Le groupe s'appelle Draw Me a Ship. Pareil, on nous a donné l'album lors du Paris Metal France Festival. L'album est sorti par contre, lui, en 2015, en septembre 2015. Et pour être très précis, le 7 septembre 2015. L'album s'appelle Premier Pas. C'est une autoproduction. Le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Behind the Door. Excellentissime projet d'un quatuor toulousain, uniquement instrumental. Donc c'est du rock metal instru à tendance un peu prog. Le CD fait 8 titres, c'est un magnifique digipack. Sincèrement, on ne s'ennuie pas une seule seconde à l'écoute de ce Draw Me a Ship. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, ça veut dire « dessine-moi un mouton hein, », bien évidemment. Donc déjà, avec un nom comme ça, on se dit « oulalalalalalala ». Quand on voit la pochette, tu la pochette sous les yeux, mon cher yes. Tom, elle est quand même assez splendide, n'est-ce pas? Exact. Est-ce que tu peux nous la décrire? Attends, je la trouve parce que j'aimerais bien que tu parles. Elles sont toutes magnifiques. C'est un beau digipack ouais. Avec plein de couleurs. Ouais. Tu le vois tu l'as? Non, je l'ai plus. Et Draw Me a Ship est marqué, je crois, en haut à gauche. Et si c'est pas à gauche, c'est à droite. Et moi, si je te dis que tu me l'as pas mise. Si, je vais te la mettre, tu vas voir que je vais te la mettre. Hein. T'es sûr que... Mais si, je te l'ai donné. Ah, pour prendre en photo, je t'ai dit, c'est ça, Draw Me a Ship. Ouais, mais non. Bon, bah écoute, on verra tout à l'heure. Donc, en tout cas, Draw Me a Ship est un magnifique projet. Et je pense qu'on les aura peut-être en interview très prochainement. Si, excuse-moi. J'aimerais bien que tu t'excuses à plat ventre. Mais c'est en haut à gauche. Fais-y pompe. J'avais dit en haut à gauche. En haut dit. À droite. Vas-y. Tu veux chasser 10 pompes? Ok, attends. Ça va pas être très radiophonique, mais on va le faire pour la première fois dans le monde en direct. Et ouais, dans le Rock for Show, allez, Tom fait 10 pompes. Allez, une. Et tu filmes pas, c'est bien. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et vas-y. Et cinq. Ouais, et cinq et demi. Et cinq. 33 quarts. Allez, c'est bon, relève-toi. T'es ridicule. Tu es ridicule. Et le pire, c'est que c'est pas filmé, c'est bien. C'est très radiophonique, mais je l'ai fait vraiment. Il a vraiment fait des pompes. Hein, je peux m'asseoir? Oui. Ah, c'est... Assieds-toi sur ton océan, bien évidemment. Mon océan? Non, ton océan, oui, mais non, pas maintenant, océan, on verra ça plus tard. Donc cet album Premier Pas, enfin cette... Magnifique. Cette pochette qui est très graphique, enfin c'est un dessin quoi. Un peu psychédélique? Ouais, très psychédélique, entre la voiture, la télé dans l'arbre avec la cheminée en même temps... Enfin, c'est un patchwork, un kaléidoscope. On se dit, il y a peut-être eu un tremblement de terre et tout s'est mélangé. Mais j'aimerais bien savoir le dessinateur. Non, les raisons. Plus sur eux, quoi. Bon, on en saura un peu plus. Je pense qu'on va les inviter ou du moins ils nous répondront par téléphone parce que maintenant on le fait pas aussi par téléphone. Donc on fera ça. En tout cas, le groupe s'appelle Draw Me a Ship et franchement, ça a été un véritable coup de cœur. Ça doit être perché. C'est perché, mais vous allez voir. Musicalement, au-dessus, c'est le soleil, quoi. Vous allez voir que musicalement, c'est aussi perché que Cosdal, mais dans un autre univers. Donc nous allons partir donc en voyage avec Cosdal, tiré de l'album KDD, avec ADX, qui nous... Je sais pas si je l'avais dit, 13-11-2015. On enchaînera donc avec Ultra Volta, et on terminera avec Draw Me a Ship. On vous rappelle le numéro de téléphone, mon cher Tom. 06-80-01-28-34. Et on envoie tout de suite Cosdal avec une petite intro. Salut à tous, c'est Laurent de Cosdal Division. Découvrez le premier album sur Rock for Show. C'était grosse drôle. Vous avez eu un petit peu ce jingle de la mort qui tue la mort qui tue la mort? Mais hein, comment tu pourris le groupe qu'on entend derrière en fond sonore? Ah non, je le pourris pas. Ça s'appelle Gaijin. Allez, vas-y, dis-nous tout, quant au good, quant à nous. Gaijin, groupe métalleux, parisien, autoproduit. En concert demain, Péniche Antipode avec Kiara, voilà, qui sort un EP. Donc ce que vous l'avez juste en fond sonore, vous n'aurez pas plus, vous avez déjà eu beaucoup au début. Parce qu'il n'est pas encore sorti. Non, il n'est pas encore sorti. Il voulait la personne du groupe qui m'a filé le batteur, notamment. Je salue Jean au passage s'il nous écoute. Salut Jean. Il est bon Jean. Est-ce que c'est un jambon? Ça c'est moche. Excuse-moi Jean, d'accord. Et tu vois ça, à mon bureau, ça vaut 50 centimes. Faut que je mette ça dans un cochon. Donc jambon, tu vois, ça rime. Enfin non, on arrête les blagues. Mais c'est vrai, hein. Quand je fais une blague pourrie, normalement, je mets 50 centimes dans le noir. On va faire une tirelire aussi ici. Ah non, pas ici. Ah non. Arrête tes conneries. Tiens, d'ailleurs, je salue mes collègues. Salut Didier, le roi de la blague. Donc ouais, ils sont en concert demain à Péniche Antipode avec Kiara. Voilà, donc c'est un EP extrait d'un EP à venir très prochainement, courant février. Très bien. Alors ce qu'on a entendu, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était Coastal Division avec un titre d'ADX qui n'est que sur l'album de Coastal Division. Après, on les reçoit la semaine prochaine, donc ils vous diront tout sur le Coastal Division. Ils seront présents dans les studios, voilà, du Rock for Show. Ouh, ça va être bien. Ça va être propre. Ça va être propre, ouais. Ensuite, nous avons écouté Ultra Volta, qui nous viennent de Nîmes, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, ils nous viennent de Nîmes. Et enfin, nous venons de finir avec Draw Me a Ship. Alors ça, c'est la craquerie de la semaine. Alors, effectivement, l'album est sorti en 2015. On vient seulement de l'avoir, donc c'est un scandale que des groupes de cette qualité ne soient pas connus. Donc, nous, on va faire quelque chose pour ce groupe, Draw Me a Ship. Il faut absolument que l'on parle de ce groupe Niveau planétaire. Oui, interplanétaire. Universel. Et galaxienne. Au même titre que le prochain Bagdad Rodeo. Ah. Parce que le nouveau Bagdad Rodeo va arriver. Et c'est très original. Le premier s'appelait Bagdad Rodeo, il s'appelait 1. Ouais, le deuxième, il s'appelait 2. Et bien, je vous le donne en 1000. Le troisième, comment s'appelle-t-il? 06 81 01 28 34. Si vous trouvez, hein, et ben on vous offre un album de Bagdad Rodeo, mais pas tout de suite. Bon, Ludo, si tu écoutes, t'envoies un album déjà? Ouais, Ludo, on te fait des gros poutous. On vient de voir ton petit message sur Facebook. Bon, ton album, il n'est pas encore sorti, donc il n'est pas fini en plus. C'est en enregistrement en ce moment. Hein, ouais, et donc effectivement, Ludo, on va faire en sorte que Bagdad Rodero devienne un groupe. Comment dire? Internationalement hors du temps. Ah, c'est encore mieux que internationalement connu, on s'en fout. Il faut qu'il soit hors du temps, c'est-à-dire que même quand le temps ne sera plus le temps, on continuera à parler de Bagdad Rodeo. Mais ils le sont déjà. Parce que tout le monde croyait que c'était séparé, que c'était fini. Ah ouais. Et aujourd'hui, on en parlait encore au bureau, parce que on a parlé de Boisson Divine et on a dévié sur Bagdad Rodeo, ce qui n'a rien à voir hein, en soi. Mais voilà, on a dévié sur Bagdad Rodeo et j'ai dit, bah tiens, je vais aller me renseigner. Savoir si le groupe existe toujours, savoir s'il y a un nouvel album. Tu m'aurais demandé, je t'aurais dit. Bah ouais, mais t'étais loin. Puis tu dormais à cette heure-là. Ah, peut-être pas. Bon, allez, on va passer à la suite de la programmation musicale. Donc, nous passons sur Gaijin. Peut-être qu'on passera le titre en entier lorsque Jean sera d'accord. Oui, et puis s'ils viennent, s'ils veulent venir. S'ils viennent, bien évidemment. Nous allons donc passer à la suite de la programmation avec encore des groupes français, encore des groupes excellentissimes, encore des groupes qui auraient pu être au Paris Metal France Festival. D'où pourquoi il en faut un 7 quoi? Un 8. Ah non, un 7. Ouais, t'as raison. Voilà. T'as raison, c'est un 7. Un 8. Attends, je me suis trompé là. Ah ouais, c'est chaud 7. Ah ouais, donc un 7. V bâton, ça fait 6. Hein. Ouais, V bâton, ça fait 6. Et donc V bâton, ça fait 7. C'est ça, hein. Ok, et eh bien comme le ça, groupe ça donne s'appelle... deux fois plus de puissance de frappe. Le groupe s'appelle Evenline. Il sort son nouvel album qui s'appelle In Tenebris. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus rentre-dedans, différent de ce qu'ils avaient fait sur leur premier album. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Silent Capensis. Ça sort chez Do It le 20, c'est-à-dire demain. Hein, donc ne le ratez pas cet album, il est vraiment bien. Et surtout, ils seront en concert le 24 février à Paris, au Backstage. Au backstage. En même temps, en français, ça se dit comme ça. Hein. Ouais, mais c'est au Backstage from the Mill. Avec Conscience et Magoa. Oui, et puis le quatrième, je sais plus. Harmonique, quelque chose. Mais on vous le dira quand le temps sera venu. Le temps des rires et des chants dans le Rock for Show. J'allais faire un petit tour, mais c'est vrai. Ne les ratez pas, le 24, donc 10 jours après la Saint-Valentin. Non, parce qu'on vous rappelle aussi qu'il y a la Saint-Valentin le 14 février. Faut quand même vous le rappeler. Parce que sinon, Bubun, elle va pas être contente. Si vous lui souhaitez pas, elle va pas être contente. Alors, voilà. 14 février, Saint-Valentin, on essaiera de vous faire une émission spéciale Saint-Valentin à base de... on essaiera de faire ça ? Ouais, enfin le 14 février, ça tombe le mercredi si je ne me trompe pas. Ouais, bah on l'enregistrera le mercredi, tiens. Je pense que maintenant, on va pouvoir décaler le Rock for Show au mercredi, hein ? Pourquoi pas ? Mais il n'est pas là, papa. Bon, allez, on va continuer avec de la musique. Donc, comme je vous l'ai dit, après Evenline, je vous propose de découvrir un groupe de chez Elite Promotion qui s'appelle Born From Lie. C'est du metalcore. Si mes souvenirs sont bons, c'est leur deuxième album. Et ça est sorti en juin 2016. Alors, vous allez me dire, ce soir, c'est des nouveautés. Bah oui, mais on l'avait pas passé. Alors, ils l'ont seulement en promotion chez Elite Promotion. Par contre, apparemment, cet album était sorti chez Brennus. Mais on ne l'avait pas reçu non plus. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle In My Head. Voilà. Ils sont français, ils viennent de Paris. Voilà, je n'ai pas trop accroché, en fait, je vais vous dire franchement. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Et c'est pas mal foutu, hein, mais c'est pas ma cam du tout. Mais bon, voilà, on verra ce qu'on peut faire avec eux. Et en tout cas, comme c'est défendu par Elite Promotion, on lui fait des gros poutous. Qu'elle a travaillé avec Eline sur le Paris Metal France Festival de fort belle manière. Elle a rattrapé un petit peu le feel good. Et franchement, bravo. Bravo pour tout ce qu'elle a fait. C'était vraiment très bien. On terminera avec un autre groupe français qui s'appelle, alors attention, Etmeb. Etmeb. Il y a deux B à la fin. Il y a deux B. Parce qu'ils doivent être très jeunes. Et ça sort chez Do It. Après, ils ont triple A peut-être. C'est sorti chez Do It. Le 13 janvier. Alors attention, l'album s'appelle La quête du Saint Grind. Eh oui, il y a un jeu de mots là-dedans, c'est français, je vous l'avais dit, c'est français. Un autre jeu de mots, c'est Lost My Grind. Alors pour tous ceux qui connaissent Within Temptation, c'est Lost My Grind. Ouais. Là, c'est Lost My Grind. Tu vois ? Alors ils font pas du grindcore, hein. Non, mais ils sont issus d'un. Des tendances un peu grindcore. L'album est vraiment bien, c'est chanté en français. Moi j'ai bien aimé. Alors toutes les parties instrumentales, vous allez voir, toutes les parties musicales sont vraiment mais splendides. C'est technique, c'est bien foutu, c'est en même temps prog hein, sur les morceaux. Les morceaux sont quand même assez longs. Alors ça commence par un morceau assez court, et puis plus tu vas sur l'album, et plus les morceaux durent en temps. Ce qui fait qu'il y a un morceau qui dure jusqu'à 10 minutes et des brouettes. Oh, c'est du limite prog et... Ah bah complètement quoi. Complètement. Et non, c'est l'inverse du prog qui est le je ne sais pas. Le grind. Il y a le grind et le prog. Oui, ouais. Donc c'est du grind prog. Ouais, voilà. Non mais je suis en train de faire l'éducation de Tom. Hein. Vous m'excusez les enfants, je suis obligé. Hein, parce que il est tout nouveau, hein. Il vient de naître hier. Il est né hier. Bon anniversaire en fait, Tom, d'hier. Non, ma fête c'était le 28 décembre, donc ça tu l'as oublié. Enfin, comme la fête à beaucoup de monde. Bah, le 28 décembre, j'ai oublié pas mal de monde. Et même au mois de janvier, début janvier, j'ai oublié pas mal de monde. Non, mais t'as reçu un SMS le 28 décembre. Rappelle-toi. C'est possible. Et je tiens. Parce que c'était la fête à tout le monde en même temps. Ah oui, c'était la Saint-Con. Non. C'est la Saint-Innocent. Voilà. Et juste une chose, moi, c'est la Saint-Parfait, tu te rappelleras ? Ouais. Moi, je suis juste un con, putain. Moi, je suis la Saint-Amour, la Saint-Parfait, la Saint-Phil et Jacques, parce que ça tombe le même jour. Et puis je sais plus ce qu'il y a d'autre, Modeste aussi, Saint Modeste. Mm-hmm. Je sais pas quand est-ce que c'est, mais c'est aussi ma fête. Voilà donc. Bon, ceci étant un florilège de petits groupes, de groupes français, avec Evenline suivi de. Il a pas suivi Born From Line. Si je suis là et suivi de Etmeb. On rappelle le numéro de téléphone 06 80 01 28 34. Et on n'oubliez pas, si vous voulez passer à l'antenne là maintenant tout de suite, vous pouvez. Et vous pouvez. C'était quoi déjà la question sur Ah oui, Bagdad Rodeo sort un nouvel le album. Le nom du troisième album. Le premier s'appelait 1, le deuxième s'appelait 2. Il nous faut le nom du troisième album. Attention, il y a peut-être un piège. Peut-être. On ne sait jamais avec les Bagdad Rodeo. Hein. C'est jamais... Ouais. Toujours politiquement correct. On envoie la musique, c'est parti. I'm a broken heart, a part of my infinity life. I'm lost to you now. I need to rest myself by your side, but I don't know why you can't change your mind. I can't tell you what's right and what's wrong, since I'm alone. I can't be strong, I scrap the bottom, and my hopes are gone. If you leave me, I am gonna die. My days and my nights, all the same. I have nothing, can't close my eyes. Try to leave him behind.

De retour dans les studios, au son de Black Star Riders. L'album sortira le 3 février chez Nuclear Blast, et on vous en reparlera la semaine prochaine, oui. Restez bien à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs, 19h30, 21h30. Que vous soyez dis-leur aussi que si vous voulez voir en France, ça va être un peu compliqué, parce qu'ils sont de l'autre côté, ils sont à Los Angeles. Ouais, Los Angeles. Hein, ça, c'est bon ça, les œufs angelés. Ils sont à LA. LA. Non, mais je crois qu'il doit y avoir une tournée où ils sont souvent en première partie de grands groupes. Parce que c'est un groupe qui ressemble beaucoup à Thin Lizzy, comme vous pouvez l'entendre en fond sonore. Mais voilà, bon, on vous donnera les dates s'il y en a. Mais je pense qu'il ne devrait pas tarder à venir en France, étant donné que l'album sort. Nous avons donc écouté sur ces entrefaites, avant de reparler de Black Star Riders, nous avons écouté Even Line. Qui nous a sorti son nouvel album, qui nous sortira demain. Et ouais, oui, ils sortiront demain. Et qui sont en concert. Oui, avec Conscience, le 24 backstage. Février au Backstage from the Mill. Emma Goa, Conscience. Et donc, Even Line, il y a un autre groupe, Harmonic quelque chose. Bon, Generators, c'est pas ça? Harmonic Generators. Ouais, il me semble que c'est pas ça. Ça doit être ça. Ensuite, nous avons écouté Born from Lie. Et nous avons terminé avec les excellentissimes Etmeb. Franchement, moi je trouve ça vraiment excellent, ce groupe. Alors, je sais pas si vous avez écouté un peu les paroles, parce que ça chante en français. Bah écoutez, parce que c'est marrant, à un moment donné vous entendez un âne qui est ni. Tiens, c'était Tom alors qu'il faisait les bruitages. Ah, bah dis donc, si vous avez caché ça, mon bon Tom. On avait laissé les micros ouverts. c'est ça, en fait c'était pas dans le disque, c'était Tom. Voilà, et donc on va continuer avec encore des groupes français. Décidément, ce soir, c'est un petit peu la suite du Paris Metal France Festival. Peut-être les groupes que nous pourrons retrouver dans un prochain concert organisé par les organisateurs du Paris Metal France Festival, on ne sait pas. En tout cas, le groupe s'appelle Cipher, et ça sort chez, je crois, Do It, c'est ça, ou ouais, je crois que ça doit être Do It, ou chez Season of Mist. Ils font du death metal. Chez Do It, c'est ça. Donc, ils nous font du death metal. Le chant est en français. C'est leur troisième album. Et le groupe s'est formé en 1998. Voilà. Le titre que je vous propose de découvrir s'appelle 13e Arcane. Et c'est tiré de l'album Déviance. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe français qui s'appelle Kadinja. Alors, ne pas confondre avec Gainjin, qu'on a eu tout à l'heure. Là, c'est Kadinja, tiré de leur album Ascendancy. Le titre que je vous propose... C'est leur premier album. Oui. Le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Stone of Morning. C'est sorti chez Clonosphère. Ça va sortir chez Clonosphère le 24 février. Donc, encore une sortie... 10 jours après la Saint-Valentin. 10 jours après la Saint-Valentin. Et c'est un groupe qui nous vient de Paris, qui s'est formé en 2013 et qui nous fait du metalcore tech prog. Voilà, metalcore tech prog. Qu'est-ce que tu appelles le metalcore tech prog? Bah, vous allez l'écouter. C'est d'avant tout du metalcore technique, hein, technique et prog en même temps. Donc vous allez pouvoir vous délecter avec ce groupe. Maintenant, je sais pas à quel niveau vous allez aimer ou pas, mais ce serait bien que vous nous fassiez des petits retours sur ce qu'on vous diffuse là depuis le début de l'émission, au 06 81 01 28 34. Parce que nous, ça nous intéresse aussi de savoir si ce qu'on vous a passé, ça vous a plu ou pas, ce que vous avez aimé ou pas, pour éventuellement préparer les prochaines émissions. Bon, en même temps, même si vous n'avez pas aimé, on en diffusera quand même. Hein. Mais bon, c'est intéressant quand même de savoir ce que vous aimez ou pas dans l'émission. On terminera cette plage musicale avec Waze, un groupe pareil, je crois que j'ai eu au Paris Metal France Festival. On a dû me glisser ça dans la poche. C'était un magnifique digipack. La pochette est jolie, avec la moitié d'un visage féminin. Hein, c'est bien sûr. Vous l'avez en photo sur la page Facebook. Oui. Voilà, donc vous pouvez aller le voir. Du moins une partie. L'album s'appelle Waging from Afar. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle 21st Sanctuary. C'est une autoproduction. J'ai pas trop aimé. J'ai adoré la pochette. Mais sincèrement, musicalement, j'ai pas tellement adhéré. J'ai trouvé que ça ça criait un peu trop à mon goût, sans vraiment apporter quelque chose de spécifique, de spécial. Donc voilà, à vous de découvrir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a des choses d'autres à dire, mon cher Tom. Oui, la semaine prochaine, donc, Cosdal Division, c'est en train de se monter pendant qu'on est en train de discuter avec vous. Tout se monte, donc on aura plusieurs membres du projet KDD dans le studio. Ouais, c'est un petit rototo parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Tom donc fait la cuisine, mais en même temps il nous sert à manger pendant le Roquefort Show. Comme ça il me dit allez hop maintenant tu dégages une fois que c'est terminé. C'est, avant il me gardait à manger tout ça. Des fois même je demandais si je pouvais dormir là. Bon non il me jetait dehors au froid. Hein, le manant, le mécréant. Il y a de la place sous les ponts. Ouais, le mécréant me disait hey, casse-toi chez toi, machin. Rentre chez ta mère. Rentre chez ta mère parce que tu ronfles et moi il faut que je dorme. Bon, donc voilà. Et donc là, je viens de. Avant de reprendre l'antenne, j'ai mangé un bout de muffin qui est ma foi super bon. On vous dit tout. Hein. On vous dit tout. Muffin à la vanille et au chocolat. Voilà. Je peux vous dire qu'il a super bien cuisiné hein, notre ami Tom, puisqu'il avait cuisiné juste avant. Des frites de d'avocat. Des frites d'avocat. Ouais. Des frites d'avocat. Donc si vous ne connaissez pas, eh ben, c'est super bon. Pour tous ceux qui mangent du végé, du vegan, eh ben. Ouais, parce que jeudi soir on essaye de manger vegan. Oui, normalement. Sain. Hein, on essaye de manger sain pour notre cher ami Jen. Et puis bah, ce soir, Jen n'est pas là et on a mangé sain quand même. Mais on aurait préféré manger ses seins. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est? Oh, c'est démon, sors de moi! Hors de moi! Hors de moi! Hors de moi! Bah non, manger ses seins, j'ai pas dit bouffer ça! Non! Hein, j'ai pas dit! Bon. Déguster. Déguster, voilà. Titiller. Au passage, hein. Au passage, Jen, on te salue bien, hein? Quand tu réécouteras l'émission, elle va venir avec un fouet la semaine prochaine, tu vois. Sur le podcast archive.org, hein, si vous voulez. Aussi. On salue tous ceux qui nous écoutent sur le podcast. Donc, on commence avec Cipher, on continue avec Kadinja, excusez-moi, et on terminera avec Waze Music 06 81 01 28 34. Si vous voulez nous donner votre avis, musique. Silence et de retour dans les studios au son de Epicaca. Epica, excusez-moi, je m'as fait exprès. Hein. Comment t'es méchant. J'ai juste bégayé. Non, pas du tout. Un excellentissime groupe de chiottes. De chant. Bégayé, ça me fait penser à Zephyr 21. Tu vois. Ah oui, tout à fait. Donc Epica qui nous a sorti un album qui s'appelle The Holographic Principle chez Nuclear Blast en septembre 2016 et qui sera à Paris au Zénith avec Power Wolf le 4 février. Voilà. C'est-à-dire dans 10 jours, 10 dans, jours. Dans 15 jours plutôt. Et donc 10 jours avant la Saint-Valentin. Mais qu'est-ce qui nous fait chier avec sa Saint-Valentin celui-là ? Je vous aime. Ah ouais, c'est ça alors. C'est ça. Bon, bah en tout cas, Epicaca, moi j'aime pas du tout, donc comme ça, c'est très bien. Par contre, Powerwolf, c'est excellent. Si vous ne les avez jamais vus, allez les voir. Surtout que là, ils seront dans une grande salle. La dernière fois que je les avais vus, c'était au. J'ai pas été les voir au Trabendo, donc je les ai vus au Divan du Monde et on avait très, très, très, très chaud. Ah, le Zénith, là, c'est énorme un peu comme ça. Ouais, là, c'est grand. Alors maintenant, est-ce que le public. Faut remplir. Ouais. Est-ce que le public aura compris qu'il faut aller voir Powerwolf ? Et les soutenir et mettre le feu, je sais pas, on verra. En tout cas, nous allons passer à d'autres trucs qu'on a reçus aujourd'hui. Et puis bah, c'est marrant parce que c'est tous du même label, c'est-à-dire Nuclear Blast. Parce qu'on a reçu beaucoup de trucs de chez Nuclear Blast et comme on avait beaucoup de retard sur ce label, bah, on a décidé en fin d'émission de vous passer que du Nuclear Blast. Alors, le c'est groupe. Bien, on vous dira pas, ils nous ont payé en pot de vin. Non, ils nous ont rien payé. En pot de vin, j'ai bien dit. Ah, en pot de vin, en pot de banane même, on peut dire. Le groupe s'appelle Memoriam. Alors, me demandez pas d'où ils viennent, tout ça, j'ai pas cherché. Hein. C'est juste un groupe de death metal. L'album s'appelle For the Fallen. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Reduced to Zero. Réduit à zéro. À néant, quoi, en fait, on peut le dire. C'est pas mal foutu comme genre de death metal. Ça sort le 24 mars. C'est pour ça que j'ai pas trop cherché d'infos parce que je me suis dit on va vous en reparler dans les émissions qui vont arriver parce que je pense qu'on aura d'autres titres d'ici là. Et ouais, ça m'a semblé pas mal du tout. Mais alors, on est dans un espèce de death metal prog. Le morceau dure 6 minutes et des brouettes. Vous allez voir, moi j'ai bien aimé. Voilà, hein, Memoriam. On enchaînera ensuite avec Lancer qui sort enfin son album Mastery, et ça fait un petit bout de temps qu'on vous en parle. Donc ce soir on vous propose d'écouter Follow Azrael, très bon groupe Lancer, sorti chez Nuclear Blast le 13 janvier, donc ça y est, l'album est enfin dans les bacs, enfin vous pouvez l'écouter en intégralité, et bah, c'est pas plus mal. Et ensuite, bah, je sais pas, parce que Tom m'a dit un autre. Ah, Sepultura. Oui, mais Sepultura. On reviendra d'ici là. On revient d'ici là. Ouais, bah, pour dire au revoir. Ah, d'accord, ok. Et sinon, on se casse tout de suite. Non, on se casse pas tout de suite. On revient pour dire au revoir. Donc, on envoie Memoriam et Lancer, et on se retrouve tout de suite après. Musique. Foretold, the end is near.

an ocean full of dreams. We wept and we cried, hey, for the savior to return. Tu danses, Tom? C'est le 14 février, là, Saint-Jean-Louis. Ouais, merde, Saint-Valentin, c'est que le 14 février. Ah, bon, bah tant pis, bah on s'entraîne pour le 14, non? Tu veux pas? Ah ouais, vas-y, viens. Levons-nous. Attends, on prend les micros et levons aussi. Levons nos verres. Qui sont vides, au passage. Allez, on vient d'écouter. Sachez qu'on ne boit pas d'alcool. Hein. On vient d'écouter Memoriam. Ah, mais dis donc, il y a un chat dans la gorge. Memoriam, sorti chez Nuclear Blast le 24 mars, donc pas tout de suite. On vous en reparlera bien évidemment. Ce que vous entendez en fond sonore et qu'on vient d'écouter, c'était Lancer, qui est sorti le 13 janvier, tiré de l'album Mastery. Et nous allons vous rappeler une date de concert quand même, parce que c'est nos potes, c'est Factor 8. Oui, et puis en même temps, un groupe qu'on a passé il y a, bah oui, il y a 10 minutes. Born From Line. Ils seront en concert la semaine prochaine. Et voilà. Corrosia, je crois, c'est ça. Ouais. Hein, c'est ça. Qui seront donc en concert avec nos amis de Factor 8 au Dr. Feelgood le 25. Et vous aurez. C'est l'entrée à 7€, je crois, avec une conso. 7€ avec une conso, et vous aurez l'honneur, l'avantage de nous voir là-bas. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Mais il y aura quand même le Rock for Show avant. Hein. Oui. On ira après, c'est tout. Ouais. Il y aura des choses à gagner, puisque nous recevrons le groupe Causdal Division la semaine prochaine. Avec des albums. Enfin, du moins, des membres du collectif. Oui, des membres du, parce de que la division. Comment il s'appelle? J'ai plus son prénom. Laurent. Laurent, on l'aura par téléphone. Laurent, on l'aura par téléphone. On aura Filter dans les studios et une surprise. J'adore la surprise. C'est toujours la même. Et une surprise, bon bah regardez, à chaque fois qu'on a dit une surprise, c'était toujours la même personne, donc comme ça vous verrez bien. Nous allons terminer cette émission, ouais, on peut l'annoncer maintenant, ouais, on va se coucher comme ça. Sepultura. Avec Sepultura. Ouais, on peut l'annoncer. Ouais. Tiré de l'album Machine Messiah, qui est sorti aussi le 13 janvier chez Nuclear Blast. On vous l'avait dit, hein, c'est un festival de Nuclear Blast en fin d'émission. Le titre du morceau qu'on vous diffuse, c'est Phantom Self. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Le groupe sera en concert le 26 février. Et ce sera au Bataclan. Voilà, donc je pense qu'ils ne seront pas tout seuls. Vous verrez bien avec qui, en tout cas. Voilà. Et donc, on va vous laisser... ouais, puisque le morceau dure 6 minutes, hein, c'est ça, mon cher Tom? 5 minutes et des brouettes. 5:30. Ouais, 5:30. Donc, on va vous quitter maintenant. Il est 21h23. En France. Donc, ouais, encore 2 minutes. Le temps de vous saluer tous, de vous remercier. De vous dire que nous serons là, bien sûr, la semaine prochaine. On était là la semaine dernière. Bon, on sera là toutes les semaines. Hein. Tant qu'on est encore là, c'est mieux. C'est bien. 06 80 01 28 34, si vous laissez des messages. Oui. Les podcasts archive.org, vous cherchez Rock for Show. Il y a quoi d'autre? Voilà, plein de choses à voir. Vous pouvez aller voir aussi toutes les photos du PMFF. Oui, voilà aussi la page Facebook du PMFF, la page Facebook du Rock for Show, la page Facebook de Radio Québec et de R-Radio. De Radio 8. Ouais. Et puis voilà quoi. Ah. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même temps. Et puis voilà, vous même temps de chanson. Jeu, mais avec des compagnons de jeu différents. Ouais. On se quitte donc avec Sepultura. C'était le Rock for Show. C'est donc. C'était fort! C'était rock. C'était show. C'était le Rock for Show. Bye bye bye bye bye bye!